Laisse-moi dire quelque chose. Moi, je suis bien choqué. L'autre jour, j'étais sur le nouveau chemin. Il a beau qui m'a passé. Il a tout chapé ses dégâts à côté du chemin. Et notre chose, quand il va pêcher, c'est pas tes dégâts. Ça, ça me choque aussi. Écoutez bien. Écoutez. Qui avec toi? Du bayou à pas planter des fleurs, ça me fait sentir bon dans mon cœur. Et quand tu vas pêcher dans ton bateau, jette pas tes drigas à l'eau. Et quand tu vas rôder dans ton char, c'est pas des dépouilles que tu veux voir. Tiens tes mains dessus la roue et paille pas tes drigas tout partout. Écoutez bien. Dans le monde, les autres pays viennent y visiter ici. Sur le bayou est pas bien propre, ça va dire qu'on est tout. Hey!